بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونج الله سبحانه وتعالى qui nous a comblé de cette assise sur les ondes de Radio Taqwa pour profiter ensemble des leçons de l'érudit Cheikh Ubayd, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge sa vie dans son obéissance. Et avec une autre assise qui a eu lieu le 21 Safar 1435 dans la mosquée Radwan, dans le Tétri, peut lui donner comme titre le bien et dans la compréhension de la religion. قال حفظه الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها المستمعون من المسلمين والمسلمات، وأشكر لكم حضوركم وقضاء الوقت معنا لنتذاكر في كل لقاء مسألة علمية من المسائل التي لا بد من معرفتها وفهمها. يحفظ الله تعالى après les louanges à Allah et la prière et les salutations sur le prophète عليه الصلاة والسلام, sa famille, tous ses compagnons. Dit ceci dit, après avoir salué tout le monde, il dit Habibullah, ô vous qui m'écoutez parmi les musulmans et les musulmanes, je vous remercie pour votre présence et pour le temps que vous passez avec nous pour qu'on se rappelle lors de chaque rencontre un sujet de la science qui est obligatoire de connaître et de comprendre. قال حفظ الله واعلموا بارك الله فيكم أن السعادة التامة العامة التي ينالها العبد في دنياه وأخراه لها سبيل واحد وهو الفقه في الدين والعمل به. قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. إلى أن حفظ الله تعالى صشك الله بنس que tout le bonheur qu'obtient le soumis à Allah dans ce bas monde et dans l'au-delà n'a qu'une seule voie et un seul chemin, la compréhension de la religion et sa mise en application. Et il dit dans le hadith, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Le hadith, il est muttafaq alayh. Et donc, Cheikh veut nous montrer que le moyen pour arriver au bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà passe par le fait d'apprendre sa religion et de la mettre en application, parce que la science ce n'est pas un but en soi. La science c'est un moyen pour arriver au fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu hafidha Allah, فما من داعية إلى الله على بصيرة يهمه حال المسلمين وفرغ نفسه لتعليمهم الحلال والحرام، يعني كيف يعرفون الحلال من الحرام إلا وهو يسير على النهج العلمي، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرص جاهدا على أن يقتفي آثار السابقين السلف الصالحين الخيرين، وهم كل من مضى من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره من أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان على مر العصور من أئمة العلم والدين. Il dit حفظه الله, tout prêcheur qui s'est libéré pour enseigner aux musulmans le halal et le haram et qui appelle vers Allah avec science et clairvoyance, et qui se préoccupe de la situation du musulman et s'y intéresse, cela veut dire qu'il leur montre comment connaître le halal et comment connaître le haram. Il dit ceci doit s'accomplir par la voie scientifique dont l'emblème Allah a dit, le messager a dit. Et celui qui agit ainsi doit tenir ardemment, il doit tenir fortement à suivre la voie de ceux qui l'ont précédé parmi les meilleurs pieux prédécesseurs de Allah alayhim, qui sont tous ceux qui étaient sur la voie du messager alayhi salatu salam, après le messager alayhi salatu salam. Cette voie sur laquelle étaient les nobles compagnons radiyallahu anhum, et ceux qui les ont suivis à la perfection à travers toute époque et en tout lieu. Celui-là, à travers toute époque et en tout lieu, parmi les imams de la religion et de la science, celui-là, chaque fois, celui qui agit ainsi, chaque fois qu'il termine, il dit, Habibullah Ta'ala, فَكُلَّمَا شَرَحَ كِتَابًا عِلْمِيًا انتقل بأصحابه وطلابه إلى كتاب علمي آخر فعلى مر السنين يتخرج المئات من طلاب العلم وطالباته وقد فقهوا التوحيد والسنة وفقه العبادات العملية والتعامل فيما بين الناس ويصبحون دعاة. إذ حفظ الله. Celui qui agit ainsi, chaque fois qu'il termine l'explication d'un livre de la science, il passe avec ses compagnons et ses élèves à un autre livre. À travers les années, seront formés des étudiants et des étudiantes qui auront compris le monothéisme, qui auront compris la sunna, qui auront compris le fiqh des actes d'adoration et le fiqh des transactions et le fiqh des rapports avec les autres. Ainsi, à leur tour, ils deviendront des prêcheurs. Il dit, Habibullah, Amma shaqshaqatul ibarat, wal hujumiyat, wal tasaddur lil jarh wal ta'dil, dunama ahliyatin, wa dunama rawiyatin, hada laysa min al fiqh fi din, hada min al ta'miyati ala al nas. Il dit, Habibullah, quant à l'éloquence dans les expressions, et quant aux attaques, et le fait de se mettre en avant dans la critique et l'éloge, sans en être habilité et sans avoir les compétences, ceci ne fait pas partie de la compréhension de la religion. Yaqul, wa nahnu ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat. مخاطبون من العلي الأعلى بالدعوة إلى الله ولكن ليست مطلقة بل هي مقيدة وما أراكم يخفى عليكم قوله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الذي حفظه الله أو frères et sœurs, il nous a été adressé dans le message d'Allah, le Très-Haut, d'appeler les gens vers Allah. Et cette dawa n'est pas dans le sens absolu. Il est conditionné parce que vous savez qu'il est stipulé dans Surat Nahl, dans le verset 125, où il est dit dans la traduction approximative du sens de ce verset, appelez vers le sentier d'Allah, appelle vers le sentier de ton Seigneur avec sagesse. La sagesse ici, c'est le fait, la hikma, de mettre les choses à leur place, et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure des façons. يقول حفظه الله فما كل قضية يرد عليها بل بعض القضايا التي تثار في الساحة هي أشبه بالثرثرة والهذيان فالحاذق البصير الملم بأصول الجرح والتعديل والرد العلمي لا ينقد كل عبارة بل ينقد من العبارات ما هو تأصيلي يؤصل يؤثر ويلقي على الناس يؤثر ويلقى على الناس على أنه من الله وليس كذلك. Il dit, Habibullah, et on récupère pas tous les sujets. Il dit, certains sujets qu'on entend sur le terrain sont du domaine des boutins et des futilités. Il dit, les veillés qui ont de la clairvoyance et qui maîtrisent les fondements de la réfutation et de l'éloge et les fondements de la réplique scientifique ne critiquent pas chaque expression et chaque parole, mais ils critiquent les expressions qui instaurent des fondements et qui sont propagées au milieu des gens comme venant d'Allah alors que ce n'est pas vrai. Hein? Ça, tu comprends que l'avertissement qu'il a fait tout à l'heure, il te montre comment ça doit être. Cette sunna et cette voie de la réplique et de la réfutation a ses règles. Et aussi, il faut en être habilité à le faire et avoir les compétences pour les faire. Hein? Et il te dit, là, Roi, on réplique pas à n'importe quel potin qu'on entend et des futilités. On réplique aux paroles dans lesquelles les gens ont instauré des règles et qui les présentent comme quoi ce sont des règles de la religion. Il dit ça, il faut les réfuter. Il faut, hein, leur répliquer et montrer aux gens que c'est faux, qu'on n'a pas le droit de les attribuer à Allah. Il dit, Alhamdulillah, هذه العجالة أردت بها التنبيه فعليكم معشر المسلمين والمسلمات أن تعمدوا إلى من يجلس لكم ويعلمكم دين الله من دواوين الإسلام. Il dit, حفظه الله, en cette brève parole, je voulais attirer votre attention, musulmans et musulmanes, qu'il faut aller aux assises de celui qui vous apprend la religion d'Allah à partir des recueils de l'islam authentique. Ainsi, c'est terminé la première assise concernant cette parole. Le grand bien est dans la compréhension de la religion. Et on passe à la deuxième assise qui a eu lieu le lundi 20 Rabi' 1er au 1435, toujours à la mosquée Redouane. Après les louanges à Allah et les salutations et la prière sur le prophète alayhi salam, sa famille, ses nobles compagnons, يقول حفظه الله أما بعد فأكرر معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات ترحيبنا بكم وشكرنا على تكلفكم الجلوس لسماع هذه اللقاءات وأسأل الله لي ولكم ولجميع من تبلغوا هذه المحادثة العلم النافع الذي يرفع الله بدرجاتنا من عنده في الدنيا والآخرة ولا يجعله فتنة لنا ولا حجة علينا. Il dit, حفظه الله تعالى, après les louanges à Allah et la prière, les salutations sur le prophète alayhi salatu wasalam, hein, et après il dit ceci dit, je répète à vous qui m'écoutez parmi les musulmans et musulmanes, je vous souhaite encore une fois bienvenue et je vous remercie de votre effort de rester en notre compagnie pour assister et écouter ce qui se dit lors de ces rencontres. Et je demande à Allah, pour moi et pour vous et pour tous ceux à qui arrive cette discussion, la science bénéfique par le biais de laquelle Allah élèvera notre degré dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et que cette science bénéfique ne soit pas une sédition, une fitna pour nous, et qu'il ne soit pas une preuve contre nous. يقول حفظه الله وموضوع الكلمة يدور حول ما يسر الله عز وجل من الشرح المختصر لحديث من يريد الله به خيرا يفقه في الدين أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. Il dit, le sujet de la discussion sera autour de ce qu'Allah nous facilitera dans l'explication de ce hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Celui à qui Allah veut le bien et lui accorde la compréhension de la religion. Le hadith rapporté par le noble compagnon Abu Abdurrahman, Muawiyah ibn Abi Sufyan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. يقول حفظه الله وهذا الحديث يتضمن أولا أن الناس صنفان لا ثالث لهما. الصنف الأول من يؤتيه الله سبحانه وتعالى البصيرة المستنيرة ويرزقه من العلم ما يميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة وغير ذلك من الأمور المتناقضة التي يختلط أمرها على الجهلة بما يروجه بينهم أهل الهوى والانحراف. والمعنى أن الله يرزقه كذلك المعرفة الحقيقية الصحيحة فيعلم أن ما يأتيه مأمور به من الله ورسوله ويعلم أن ما يدعه ويكف عنه هو مما نهى الله عنه ورسوله ويصدق كذلك ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأخبار منها المغيبات مثل صفات الرب عز وجل وأخبار يوم القيامة وما يكون فيه من الجزاء والحساب ويعلم أن هذا كله حق على حقيقته يجب أن يصانع من الظنون الكاذبة والخيالات الباطلة. Il dit, hafidhahullah ta'ala, ce hadith, dit le hadith qu'il a cité de Muawiyah radiallahu anhu arda, nous montre que les gens sont deux catégories. Il n'y a pas une troisième catégorie. Il n'y a que deux catégories. Les gens sont en deux catégories. La première catégorie, celui à qui Allah a donné une clairvoyance éclairante et à qui il a octroyé la science avec laquelle il fait la différence entre le vrai et le faux, entre la guidée et l'égarement, entre la sunna et l'innovation. Et cette science lui permet de discerner les contradictions confuses chez les ignorants que propagent les gens des passions et de la déviance. Cela veut dire qu'Allah lui a donné la vraie et authentique connaissance par le biais de laquelle il sait que ce qu'il met en application, il lui a été ordonné par Allah et par son messager, alayhi salam, et ce qu'il a délaissé fait partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont interdit. Et avec cette science, il atteste de la véracité des annonces qui lui sont annoncées, qui viennent minallah azza wa jal et de son messager alayhi salam, qui concernent le domaine de l'invisible et qui concernent les attributs du Seigneur azza wa jal et qui concernent tout ce qui a été annoncé dans le Coran et dans la Sunna concernant le jour du jugement et le jour de la résurrection. Et ce qu'il va y avoir comme récompense et comme châtiment. C'est par le biais de cette science qu'il saura que tout cela est une vérité réelle dans laquelle le doute ne doit pas s'immiscer et dans laquelle les illusions et le mensonge n'ont pas de place. Il est en train de nous montrer que le bien, c'est que la personne soit comblée de la compréhension de la science de la religion. Et que la personne soit comblée d'une compréhension saine, c'est-à-dire celle qu'avaient les nobles compagnons Ridwanullah alayhim. Parce que c'est celle-là qui va permettre à la personne d'être à l'aise dans son application. Quand il applique quelque chose, il sait que ceci, c'est l'ordre d'Allah et de son messager, alayhi salam. Quand il délaisse quelque chose, il s'éloigne de quelque chose, il sait que ça, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'éviter, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de délaisser et de s'en éloigner, et que le messager aussi lui a interdit. Et dans ses croyances, il a aucun doute. Il croit en tout ce qui est annoncé dans le Coran et dans l'authentique de la Sunna, tout ce qui concerne les attributs d'Allah, l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui va se passer le jour de la résurrection, ce qui se passe dans la tombe, ce qui, le châtiment, les récompenses, et ainsi de suite. L'existence des djinns, l'existence des anges, et ainsi de suite. Avec, et la science lui donne cette certitude. Donc, il n'aura pas de doute sur tout ce qui est annoncé par Allah et par son messager, alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est un des grands bienfaits avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a comblé les croyants, parce qu'ils sont dans un apaisement intérieur. يقول حفظه الله هذه الخيرية العامة التي تنتظم سعادة العبد في دنياه وأخراه فيعبد الله سبحانه وتعالى ويدين له بأنه الرب الخالق المعبود الموصوف بكل صفات جمال وجلال وأنه رب كل شيء وخالقه ومليكه وهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه مستحضرا في ذلكم الإخلاص لله ويضم إلى ذلكم أيضا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit, habidallah, ça c'est le bien général duquel découle le bonheur, qui organise le bonheur et duquel découle le bonheur du soumis à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde et dans le delà. Ainsi le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala qui a cette compréhension et cette science bénéfique adore Allah et se soumet à Allah car il est l'unique Seigneur. Le seul créateur, le seul digne d'être adoré, hein? C'est lui, Azza wa Jal. C'est lui qui a les sublimes attributs de la majesté et qui est le Seigneur de toutes choses et qui est le Créateur de toutes choses et qui possède toutes les choses. C'est à lui seul que le culte doit être voué, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a d'autre digne d'être adoré que lui, subhanahu wa ta'ala. Et le soumis à Allah doit avoir présent toujours dans l'esprit, constamment concernant tout cela, tous ses actes d'adoration et tout ce qu'il voit Allah, subhanahu wa ta'ala, il doit avoir présent dans son esprit que ceci doit être basé sur la sincérité et sur le suivi du messager, alayhi salatu wassalam. Donc dans son esprit, il doit avoir toujours présent ces deux conditions de l'acceptation des œuvres qui sont la sincérité et le suivi. يقول حفظه الله وهذان شرطان لا يقبل الله عملا إلا باجتماعهما. ولهذا قال علماؤنا العمل إن فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، وإن فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدعة. ومتى جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمل أهل السنة. اللي حفظه الله تعالى la sincérité et le suivi, ce sont deux conditions pour l'acceptation des œuvres. Aucune œuvre ne sera acceptée sans ces deux conditions. Il dit, c'est pour ça que nos hommes de science, c'est-à-dire les hommes de science de la Sunna et tous ceux qui sont unis sur la Sunna, c'est pour ça que nos hommes de science ont dit, si l'œuvre perd la sincérité, il sera du domaine de l'association ou du domaine de l'ostentation. Si la personne adore autre qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du domaine de l'association. Et si il embellit son acte ou il le fait pour que les gens disent que Hada, c'est un adorateur, ou là il perfectionne bien, ou là il est généreux, hein, en donnant sa zakat, en donnant son aumône, etc. Ben, il y a de l'ostentation dedans. Donc il dit, c'est pour ça que nos hommes de science ont dit, si l'œuvre perd la sincérité, il sera de l'association, du domaine de l'association, et s'il perd, et ou alors il sera du domaine de l'ostentation. Il dit, si l'œuvre perd le suivi, il sera de l'innovation. Il sera de l'innovation, parce que s'il n'est pas dans le suivi du messager, ça veut dire qu'il a accompli son acte d'adoration avec une façon qui ne fait pas partie de la voie du messager. Il s'est inventé une voie, ou alors il a suivi d'autres dans l'innovation qu'ils ont fait dans cette adoration. Il dit, quand l'œuvre réunit la sincérité pour Allah et le suivi de son messager, c'est l'œuvre des gens de la Sunna. Quand l'œuvre réunit la sincérité et le suivi, dans ces cas-là, c'est l'œuvre des gens de la Sunna. Il dit, Habidallah, as-sinfu al-tani, diddu hada, فمنطوق الحديث أن من يريد الله به خيرا يفقه في الدين لأنه سبق في علمه عز وجل وجرى به قلمه في اللوح المحفوظ أن هذا الصنف من الناس أهل لكل خير. Il dit, la deuxième catégorie des gens sont ceux qui sont dans la situation contraire et la situation opposé de ceux qui viennent d'être cités. C'est-à-dire, ils sont dans la situation opposée de ceux qui n'ont pas la compréhension ils sont dans la situation opposée de ceux qui ont la compréhension de la religion. Donc, ils sont ignorants de la religion. Donc, pas de compréhension de la religion, pas de bien dans la personne. C'est clair dans la signification du hadith. Il dit, Habidallah, l'expression du hadith dit, celui à qui Allah veut le bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Prends-le dans le sens contraire, il va te donner quoi? Il dit, Habidallah, car il est dans la science d'Allah, c'est-à-dire avant la création des cieux et de la terre, dans la science d'Allah et dans ce qui a été écrit 50 000 ans, avant la création des cieux et de la terre, par le crayon que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, que cette catégorie sont dignes de tout bien. C'est-à-dire la catégorie à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la compréhension de la religion sont dignes de tout le bien. Et ceci fait partie de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas été devancée par une ignorance abedaine, qui est une science azali. Et ceci a été écrit dans l'Lawh al-Mahfouz, dans la planche préservée, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. يقول حفظ الله الثاني مفهوم هذا الحديث وهو أن من لا يريد الله به خيرا لا يفقه في الدين يحجب عنه الفقه في الدين لما سبق في علمه عز وجل وجرى به قلمه في اللوح المحفوظ أن هذا الصنف من الناس ليسوا أهلا للهدى فسبحان الله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو لا يسأل عما يفعل والخلق يسألون سبحانه له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. Il dit, حفظه الله, le deuxième point, la définition de ce hadith qui nous dit que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas le bien, il ne lui accorde pas la compréhension de la religion. Donc il y a une barrière entre lui et la compréhension de la religion. Car il est dans la science d'Allah, avant la création. Et dans ce qui a été écrit par le crayon que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, 50 000 ans avant la création du ciel et de la terre et à qui il a dit écrit, il a été écrit dans la planche préservée que cette catégorie de gens ne sont pas dignes pour la guider. Subhanallah al-Azim. Subhanallah à qui appartient toute chose. Et on ne l'interroge pas sur ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala. Et toutes les créatures seront interrogées sur ce qu'ils font. Il fit subhanahu wa ta'ala les choses à la perfection. Et il a la preuve écrasante, subhanahu wa ta'ala. يقول حفظه الله ثانيا أما أبواب الفقه في الدين يقول ما أبواب الفقه في الدين يقول ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الفقه في الدين له ثلاثة أبواب وإن شئت فقل ثلاثة طرق الأول فقه الاعتقاد وخلاصته اعتقاد المرء بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له في ربوبيته وأنه واحد لا شريك له في عبادته وأنه واحد لا شريك له في أسمائه وصفاته فالتوحيد هو رأس دين الإسلام الذي ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا به قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يلتي حفظه الله C'est quoi les sujets du fiqh dans la religion? Et comment accéder? C'est quoi la voie et c'est quoi les sujets du fiqh? Dire que tout musulman et toute musulmane sache que la compréhension de la religion a trois voies ou trois sujets. Passe par trois sujets. Il dit le premier sujet, le fiqh des croyances, qui se résume en ce que l'être, en ce que l'être doit croire, qu'Allah est unique et il n'a aucun associé, né dans la seigneurie, et qu'il est unique et il n'a aucun associé dans l'adoration, et il est unique. Il n'a aucun associé dans ses noms et dans ses attributs. Et il dit, Habibullah, le monothéisme, c'est la cime de la religion de l'islam. La cime de la soumission totale à Allah, avec laquelle Allah a envoyé tous les prophètes et tous les messagers, alayhi salatu wa salam. Et la traduction du verset qu'il a cité, Habibullah, nous dit ceci, tout ce que nous avons envoyé au Mohammed avant toi, c'est-à-dire tous les messagers et tous les prophètes avant toi, nous leur avons révélé qu'il n'y a digne d'être adoré qu'Allah, adorez-le. Donc c'est le message et l'ordre qui a été donné à tous les prophètes et à tous les messagers, alayhi salatu wa salam. Toutes les religions des monothéistes sont basées sur la base principale qui est le monothéisme. يقول حفظه الله فدين الله الذي تتابعت عليه الرسل والنبيون بدءا من نوح أولهم وختما بمحمد آخرهم صلى الله عليه وسلم أجمعين هو دين الإسلام وبهذا يعلم أن مقولة الديانات السماوية الثلاث وهي الإسلام واليهودية والنصرانية ديانات سماوية كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة العلم والدين والإيمان وقد بسطنا هذه المسألة في مواضع أخرى فليراجع من شاء واستدللنا على بطلان هذه المقولة بالكتاب والسنة ولله الحمد والمنة إذن كنت حمد الله تعالى له لجند الله pour laquelle les messagers et les prophètes se sont succédés et qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala l'un après l'autre, commençant par le premier Nuh alayhi salatu wa salam et se terminant par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est le dernier alayhi salatu wa salam ajma'in. Il est leur religion, c'est la religion de l'islam, c'est la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala dans le monothéisme. Et dit partons de là. On sait que cette parole, les religions célestes sont au nombre de trois, l'islam, le judaïsme, le christianisme, sont des religions célestes. Il dit ceci, c'est un mensonge à l'encontre d'Allah et à l'encontre de son messager, alayhi salatu wassalam, et à l'encontre des imams de la science, de la religion et de la foi. Il dit, nous avons détaillé ce sujet dans différents endroits, celui qui veut le réviser, qu'il y revient. Et notamment, il l'a détaillé dans l'explication qu'il a donnée aux annulatifs de l'islam, et notamment, il l'a détaillé dans le premier annulatif. حفظه الله تعالى ومتع به. يقول الثاني فقه العبادات العملية من صلاة وصيام وزكاة وزكاة وحج وغير ذلك مما يتعبد به لله سبحانه وتعالى. فالعبادات العملية يجب فيها إلى جانب إخلاص العبد لربه فيها أن يضم إلى ذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يستدعي العلم. إن حفظه الله تعالى دونك concernant le fait de dire que les religions a monothéistes sont au nombre de trois, il dit, et nous avons argumenté le faux de cette parole par le livre et la sunna et la louange à Allah Azza wa Jal. Et ceci, comme je l'ai dit auparavant, on le retrouve dans les annulatifs de l'islam, de la page 9 jusqu'à la page 14. Hafidhahullah, il l'a détaillé d'une façon claire et nette. Et il dit, Hafidhahullah, le deuxième point dans le fiqh, le deuxième sujet dans le fiqh, le fiqh des adorations. Hein? La prière, le jeûne, la zakat, le hajj et autres actes avec lesquels on adore Allah Azza wa Jal. Il dit les actes d'adoration, le soumis doit les accomplir avec sincérité pour Allah et dans le suivi du messager alayhi salam. Il dit cela implique qu'il faut apprendre, il faut demander la science des adorations. Hein? C'est normal. Pour arriver à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le veut subhanahu wa ta'ala, il faut bien qu'on apprend. Hein? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, priez comme vous m'avez prié. Il a dit, celui qui fait le dos comme je l'ai fait, prenez de moi vos rites de pèlerinage. Et ainsi de suite. Donc il est obligatoire qu'on apprenne. Et le chemin de l'apprentissage, c'est le chemin pour être comblé du bien d'Allah, Azza wa Jal. Parce que comprendre sa religion, c'est l'un des grands biens avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala comble son serviteur, qui permet à la personne d'être apaisée dans tout ce qu'il fait. Hein? Il n'est pas tracassé, il n'a pas l'esprit perturbé parce qu'il sait que ce qu'il a fait, il l'a accompli sur des preuves et avec science. يقول حفظه الله فإن فقه العبادات العملية لا بد له من علم ويؤخذ عن أهله فيتعلم المرء ما يجب عليه كيف يعبد ربه وهذا باب واسع لعل الله أن ييسر كلمات أخرى في لقاءات متتابعة نبسط القول فيه قدر المكنة إن شاء الله تعالى. اللي حفظه الله لفقه des adorations, il est obligatoire de l'apprendre. Il doit être pris chez ceux qui sont ses spécialistes et qui en sont dignes. Il des lettres doit apprendre ce qui lui est obligatoire, quand il doit apprendre comment il doit adorer son Seigneur. Et ceci est un chapitre qui est très vaste, le chapitre des adorations. Il dit qu'Allah nous facilite d'autres assises pour le détailler selon la capacité, inshallah. يقول حفظه الله الموضوع الثالث في الفقه فقه المعاملات فقه المعاملات الجارية بين الناس فالمعاملات من بيع وشراء وإيجار الأصل فيها الإباحة قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث في هذا إن لم تكن متواترة تواترا معنويا يوجب العلم والعمل فهي مستفيضة هذا وجه دي حفظه الله. Le troisième sujet, le fiqh des transactions, le commerce, la vente, l'achat, la location, les salaires et les salariés, etc. Il y a la base dans les transactions, c'est l'autorisation tant qu'il n'y a pas de preuve d'interdiction. Et il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, c'est lui qui vous a créé tout ce qu'il y a sur terre. Et dans l'autre verset qu'il a cité dans sa traduction approximative du sens, il est dit, c'est lui qui vous a soumis la terre, parcouru ses grandes étendues, mangé de ce qu'il vous a fourni, et vers lui sera la résurrection, subhanahu wa ta'ala. Il dit d'autres versets dans ce sens. Il dit les hadiths, hein, concernant ce point, hein, c'est-à-dire le point du transaction, si les hadiths ne sont pas notoires dans leur sens d'une notoriété qui implique leur mise en application et hein, ils sont exhaustifs. Ils sont exhaustifs. C'est-à-dire il y a beaucoup de hadiths hein, qui concernent les transactions et qui règlent ce sujet. Et qui oriente vers le fait de chercher sa subsistance par les voies légères ferrées. Il dit ça d'une part. Il dit « الوجه الآخر ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله وقد أسلفنا آنفا أن الأصل في المعاملات إباحة ولهذا قال علماؤنا الأصل في العبادة الحظر يعني المنع إلا بنص والأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص il dit حفظه الله d'autre part que chaque musulman et chaque musulmane sache que le halal c'est ce qu'Allah et son messager ont fait licite et que le haram c'est ce qu'Allah et son messager ont fait illicite hein الحلال الحرام sont légiférés par Allah et par son messager alayhi salam. Il dit, et nous avons dit auparavant concernant les transactions, qu'à la base, c'est l'autorisation, hein, tant qu'il n'y a pas un texte qui interdit une transaction. C'est l'autorisation. Il dit, c'est pour ça que le savant, c'est-à-dire les savants des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, ont dit, à la base, dans les adorations, c'est l'interdiction. C'est-à-dire, on n'accomplit pas un acte d'adoration si on n'a pas une preuve. Et s'il n'est pas dans la législation. Donc, les hommes de science disent, à la base, dans les adorations, c'est l'interdiction. Sauf s'il y a une preuve qui stipule que cet acte fait partie de la législation. Et que c'est un acte d'adoration légiféré, est prouvé, est argumenté par la législation. Et lié et à la base des transactions, c'est la permission, sauf s'il y a une preuve qui l'interdit. Hein? Dans les adorations, c'est l'interdiction de faire quoi que ce soit tant qu'on n'a pas le texte qui prouve que ça, il faut le mettre en application. Et dans les transactions, c'est l'autorisation jusqu'à ce qu'on ait un texte qui nous interdit cette transaction. Et ça, c'est une règle. C'est les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna face à Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, bi asma'i al-husna wa sifati al-ula, an yushafiya shaykhana al-shaykh Ubayd wa an yutila umurahu fi ta'atih wa an yanfa'ana wa iyaakum bima naqulu bima nasma'a وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا